Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone d'Annie Veilleux. Bon, on va ouvrir d'abord le bulletin de sport local et régional en parlant d'abord que hier dans la section entrevue de danradiosport.com, on a parlé avec Daniel Gagnon, qui est l'instructeur de l'équipe de Christopher Gagnon. On sait que l'équipe de Christopher Gagnon a remporté en fin de semaine le tournoi à Grand-Mère. Et Daniel Gagnon a mentionné qu'est-ce qui a fait la différence lors de ce tournoi. Ça a été des belles performances. Je dirais que les petits gars, ils ont très bien joué avec un pourcentage d'efficacité assez élevé en toute la partie. Il y a peut-être en demi-finale contre une équipe de Victoriaville que ça s'est joué sur la dernière pierre, mais notre équipe a été chanceuse dans toute la game. Mais malgré tout, on a été capable de la gagner puis de finir ça en finale. Que duré, au lieu de 8 bouts, ça a duré seulement 6 bouts là, avec une victoire de 10-2. Là, ils ont arrêté la partie. Et dans un deuxième temps, il mentionne aussi, on sait qu'au début de l'année, la chimie a été un petit peu plus difficile, mais là maintenant, c'est bien parti, explique Daniel Gagnon. Ben, c'est ça, la chimie, on avait un nouveau membre cette année parce qu'on avait deux qui sont pas revenus cette année avec nous. Fait que là, c'est un nouveau. C'est un jeune qui était ici à Delmo. Il a fallu travailler très fort pour l'amener à un niveau là. Nous, on y avait dit que c'était pas une marche à monter, t'en as deux là. Puis Nicolas est en train de répondre très bien là à qu'est-ce qu'on y avait demandé depuis le début de l'année. C'est un lead, il est en train de performer. Fait que quand le lead performe, ben le reste de l'équipe normalement suit là. Le lead est aussi important que l'équipe au curling. OK. Comme à tous les mercredis, maintenant, je vais vous donner le classement POC selon le site internet classementpoc.com qui détermine le meilleur classement des équipes de hockey de double lettre en province. Donc, au niveau midget, à noter que le Marcos Pop de Saint-Félicien est au premier rang. Les ambassadeurs de Chicoutimi occupent le 37e rang. Niveau midget, ça va très bien pour les Rapides de Boumsissini. Ils sont au 10e rang. Les Hurricanes de Mascouillage au 45e rang. Et les ambassadeurs de Chicoutimi sont au 89e rang. Et au niveau junior, les Sabres de Robert-Val sont au 32e rang. Et les Éperviers de Normandin sont au 35e rang. Les Saguenay de Chicoutimi reçoivent ce soir la visite de l'Armada de Blainville-Boisbriand. Ils devront se passer de Joey Ratel qui a été suspendu pour 4 parties en raison d'un coup à la tête. Donc c'est quand même une lourde perte pour l'équipe de Yannick Jean. Je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu d'abord avec l'instructeur de l'équipe de Christopher Gagnon, Daniel Gagnon. Et François-Olivier Robert, je viens nous parler de patinage de vitesse sur courte piste. Le sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.